no good. Pamika et Young, c'est bien, he's no good. Abidi Rapetoun, dans l'ancienne Turquie, ce pauvre is no good, il était aussi con qu'une nouille. He's no good, Pamika et Young, un usurpateur comme Mika et Young. Mais au lieu de Weird Al, ce pauvre is no good est aussi futé qu'une poule. Il veut être calife à la place du calife. Pourquoi voulait-il tout pouvoir? Il aurait pu être un abreuvoir. Alors ce type-là qui est pas bien du tout pour arriver à ses fins, il laisse tout ce pauvre lessive de qu'on dise nos coudes, il se rate à chaque mauvais coup. Et ça on en a rien à foutre. Is no good. Is no good. Is no good. Is no good. Il veut être calife à la place du calife. Pourquoi voulait-il tout ce pouvoir? Il aurait pu être un abreuvoir. Is no good, Pamika et Young, c'est bien is no good. Abidir un peu tout dans l'ancienne Turquie, ce pauvre is no good était aussi con qu'une gourde. Alors ce type-là qui est pas bien du tout, pour arriver à ses mains, il laissait tout cette pauvre lessive de con is no good qui se rate à chaque mauvais coup. Il veut être calife à la place du calife. Si Ayuru dit que ce boulot-là, il aurait pris la place à Zelda. Alors ce type-là qui est pas bien du tout, pour arriver à ses fins, il laissait tout cette pauvre lessive de con is no good qui se rate à chaque mauvais coup. Et ça, on n'en a rien à foutre. Is no good.